sur la terre, chapitre 4. Un couvent. Quelque temps après les événements que nous venons de rapporter, dans le jardin d'un de ces nombreux couvents de femmes qui existent à Séville, un essaim de petites filles prenait joyeusement ses ébats sous une tonnelle. Ce n'est pas sans raison que l'on a dit que la jeunesse possède une grâce innée, et, pour notre compte, nous sommes portés à croire que ce charme est un reflet de l'innocence de cet heureux âge. Le petit troupeau féminin était fort occupé. Les unes traçaient un jardin avec un art que leur eût envié le célèbre Le Nôtre. Une petite branche de buis figurait un oranger, une mignonnette un palmier. Au centre, la moitié d'une coquille d'œuf faisait l'office d'un bassin d'albâtre où quelques feuilles de géranium simulaient des poissons rouges. Tout autour, des dés garnis de petites branches de thym jouaient le rôle des pots à fleurs. D'autres enfants s'étaient improvisés cuisinières et s'efforçaient de faire entrer dans une marmite, pas plus grande qu'une noix, des choux-fleurs figurés par de petits radis. D'autres habillaient un marmot confectionné en argile avec toutes les précautions nécessaires pour ne le priver ni de ses bras ni de ses jambes. D'autres enfin, gravement assises, comme les dames en visite, tenaient à la main une feuille de vigne en guise d'éventail. Seule une petite fille, pâle et fluette, restait assise sur une petite chaise basse et ne jouait pas avec les autres. « Tu ne veux jamais jouer, la grimace, » dit une de ses compagnes. « As-tu mal aux pieds ?»« Non, » répondit l'enfant. « Eh bien alors, pourquoi ne pas jouer ?»« Je suis fatiguée. »« De quoi ?»« Je ne sais pas. » »« Moi aussi, je suis fatiguée, » dit la cuisinière en abandonnant la marmite à son triste sort. « Moi aussi, moi aussi !» répétèrent les autres petites filles avec cette inconstance familière à leur âge où l'on se lasse bientôt de tout, même du jeu. Et nous pourrions dire qu'il en arrive souvent autant à des personnes plus âgées et qui devraient être plus raisonnables. « Comptons des comptes !»« Oui, oui, comptes-en un, toi, Maddalena !» Il y avait une fois une petite fourmi. « Non, pas celui-là, pas celui-là, nous le savons !»« Je n'en sais pas d'autre. Il y avait... »« Veux-tu te taire ?»« Oh, voyez donc la vilaine petite bête sur cette feuille !»« Je vais la tuer !» dit une des petites filles. « Jésus, ne fais pas cela ! Si la grimace te voit, elle va fondre en larmes, et notre mère de bon secours nous grondera. »« Bast ! Je connais le moyen de l'empêcher de pleurer. » Je lui chanterai une chanson que je sais et qu'on chante aux enfants pour les faire taire. Voyons ta chanson. L'enfant se mit à chanter. Ne pleure pas, ma petite Isabelle, ou les fleurs vont se faner. Magdalena, dit une petite boulotte à la mine rose et éveillée, conte-nous donc l'histoire de l'enfant perdu, qui est si joli. Magdalena s'assit gravement sur un arrosoir et commença. « Mère, il y a à la porte un enfant aussi beau que le soleil. Il dit qu'il a froid et qu'il est à moitié nu. Dis-lui d'entrer, il se réchauffera. » L'enfant entre et s'assied. La mère le fait chauffer et lui dit « D'où viens-tu, mon enfant? Où es-tu né ?» Et il répond « Je suis né sur une terre lointaine. Mon père est au ciel et ma mère est sur la terre. » Pendant que l'enfant soupait, de grosses larmes tombaient de ses yeux. « Dis-moi, enfant, pourquoi pleures-tu ? Parce que j'ai perdu ma mère. Ma mère, dans sa douleur, ne saura que faire, bien que mon père Joseph lui donne des consolations. Faites avec soin le lit de cet enfant. Il couchera dans notre alcôve. » « Ne prenez pas cette peine, signora. Je coucherai dans un coin. Mon lit est la terre sur laquelle je suis née. Et jusqu'à ma mort, je n'aurai pas d'autre couchette. » Le jour avait à peine paru que l'enfant se leva et prit congé. « Je m'en vais à l'église, dit-il, c'est là que je demeure. Et c'est là aussi que nous irons tous lui rendre grâce. » Quand Magdalena eut fini, les enfants se tournant vers la petite fille pâle, « La grimace, lui dirent-ils, conte-nous maintenant le conte de la fleur de Lilila que tu contes si bien. » « Je suis fatiguée, répondit l'enfant. « Si tu veux nous le conter, dit la petite boulotte, je te promets d'aller au jardin cueillir de la petite laitue pour ton canari. » Sous l'attrait de cette promesse, l'enfant sortit de son apathie et conta ce qui suit. Conte de la fleur de Lilila. Il y avait autrefois un roi qui avait 3 fils. Les 2 aînés étaient très méchants et le dernier très bon. Tous les jours, une pauvresse venait au palais pour demander l'aumône. Les 2 aînés ne lui donnaient jamais rien et la chassaient sans même lui dire « Dieu vous bénisse ». Mais le plus jeune, qui n'avait pas d'argent parce que ses grands frères prenaient le sien, donnait à la pauvre femme un morceau de pain qu'il réservait sur celui de son déjeuner. Or, il survint au roi une maladie sur les yeux qui le rendit aveugle. Les médecins dirent qu'une seule chose pouvait le guérir, et cette chose était la fleur de Lilila. Mais personne ne savait où se trouvait cette fleur. Les enfants partirent pour aller à sa recherche, jurant bien qu'ils ne reviendraient pas avant de l'avoir trouvée. L'aîné se mit en route le premier, et en sortant du palais, il trouva la pauvresse qui était la Vierge en personne. Il lui demanda si elle pourrait lui indiquer la route à suivre pour trouver la fleur de Lilila. La Vierge n'a jamais refusé un bon conseil à personne, même aux mécréants. « Marche tout droit, répondit-elle, par ce chemin que je te montre, et tu arriveras à ton but. Mais je te préviens que tu rencontreras en route beaucoup d'enfants noirs qui sont très méchants. Ils t'engageront à jouer avec eux et à te détourner de ton chemin. Ne les écoute pas et ne perds pas de vue les enfants blancs qui te conduiront à bon port. » Sans même remercier la pauvresse, l'enfant se mit en route. Mais, au lieu de suivre ses conseils, il se laissa séduire par les enfants noirs, se mit à jouer avec eux et perdit son chemin. Ce qui était arrivé à l'aîné arriva de tout point au cadet. Mais il n'en fut pas ainsi du plus jeune, qui suivit à la lettre les prescriptions de la pauvresse, et il en résulta que les enfants blancs le conduisirent à un magnifique jardin où se trouvait la fleur de Lilila, qui était blanche comme celle du lys et exhalait une délicieuse odeur. L'enfant cueillit la fleur et se remit en route pour l'apporter à son père. Mais il rencontra bientôt ses 2 frères accompagnés des enfants noirs. Et ceux-ci, à la vue de la fleur, leur conseillèrent de tuer leur petit frère et de porter eux-mêmes la fleur à leur père comme s'ils l'avaient trouvée. Ils cédèrent à ce mauvais conseil et, après avoir tué leur frère, ils l'enterrèrent pour que sa mort demeurât ignorée. À l'endroit même où l'enfant avait été enterré, poussèrent des roseaux. Un petit berger, qui faisait paître par là son troupeau, coupa un de ses roseaux et s'en fit une flûte. Mais, quand il voulut en jouer, il en sortit une voix qui chantait sur un ton triste et mélancolique. Et l'enfant se mit à chanter, d'une voix faible, mais douce et pure comme un souffle, cette expressive chanson. « Ne me fais pas parler, ô petit pasteur, car je serai forcé de divulguer le secret de mes frères, qui m'ont mis à mort pour me ravir la fleur du Lilila. Ces paroles, sorties de la flûte, parurent au petit berger une chose si merveilleuse qu'il fut porter la flûte au roi. Mais à peine le roi l'eut-il prise entre ses mains que le chant se fit entendre sur un ton encore plus triste. « Ne me touche pas, ô mon père, car je serai forcé de divulguer le secret de mes frères qui m'ont mis à mort pour me ravir la fleur du lilas. » En reconnaissant la voix de son plus jeune fils, le pauvre père se mit à pleurer et à s'arracher les cheveux. Il ordonna de faire comparaître les deux aînés en sa présence. Et quand ceux-ci eurent entendu cette voix qui sortait de la flûte, ils confessèrent leurs crimes et le roi les condamna à mort. Mais alors, sans que personne touchât à la flûte, il en sortit une voix qui chanta sur un ton plein de douceur. « Ne les fais pas mourir, ô mon père, et pardonne-leur comme je leur ai pardonné. Il est si doux de pardonner. » Quand l'enfant eut terminé son conte, toutes ses compagnes se dispersèrent et recommencèrent leur jeu, en chantonnant presque toutes quelques notes vagues et indécises de cette mélodie que Lagrimas venait de faire entendre, tandis que celle-ci murmurait encore la fin du dernier couplet. « Il est si doux de pardonner. » L'enfant posa sa joue dans sa main, et comme si elle se fût bercée elle-même avec sa chanson, elle s'endormit. « Pauvre petit ange, dit la mère de bon secours en la voyant. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle me fait une pitié. La conserverons-nous, mère abbesse ? Avec l'aide de Dieu, ma sœur, répondit celle-ci. Parlez bas, mes enfants, ajouta-t-elle en s'adressant aux autres petites filles, pour ne pas réveiller votre petite compagne, qui n'a pas dormi de la nuit. Les enfants s'éloignèrent et se dispersèrent dans le jardin, où elles se mirent à parler si bas, qu'elles ne s'entendaient pas elles-mêmes. « Parions que vous ne devinerez pas, » dit tout à coup Magdalena, matrone de 7 ans et la plus âgée de la bande. « Quoi ? Une énigme ? Voyons ! Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un plat de noisettes qui sont serrées pendant le jour et qui se répandent le soir ?» Chacun des enfants se plongea dans une profonde méditation. « J'y suis !» dit la boulotte, en faisant un saut qui l'éleva d'un doigt et demi au-dessus du sol. « J'y suis ! Ce plat de noisettes, c'est nous autres !»« Faut-il que tu sois sotte ?» dit la matrone. « Avons-nous l'air de noisettes ? Tu ressembles plutôt à une grosse grenade !»« Eh bien, dis-le, toi qui es si savante !»« Ce sont les étoiles !»« Que non, les étoiles ne sont pas des noisettes !» Et que sont-elles donc, madame, c'est tout ? Ce sont les larmes de la Vierge que les anges ont portées au ciel, et elles sont si nombreuses qu'on n'a jamais pu les compter. Les enfants levèrent les yeux au ciel que parcouraient des nuages qui couvraient et découvraient alternativement la lune. « Holà ! Dit la petite boulotte. « Voyez donc comme la lune entre dans le ciel et comme elle en ressort. Qu'est-ce qu'elle peut avoir ? Elle appelle sans doute Dieu le Père, dit sa voisine. Je n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne vois pas non plus son visage à la messe, et cependant il y est. Si nous l'entendions de nos oreilles, si nous le voyons de nos yeux, ajouta-t-elle en tirant l'oreille de la boulotte, quel mérite y aurait-il à croire, comme dit notre mère de bon secours ? La propriétaire de l'oreille poussa un cri perçant. L'enfant endormi eut peur et s'éveilla en sursaut, ouvrit démesurément ses grands yeux noirs et s'écria d'une voix effrayée. « La mer ! La mer ! Le requin ! Le requin ! Maman ! Maman !» La religieuse prit l'enfant entre ses bras. « Allons, allons, mon enfant, lui dit-elle. Rassure-toi, ce n'est qu'un rêve, un cauchemar. Ta mère est au ciel avec Dieu. » Avec les anges, avec les saints, et elle prie pour toi. Tu es ici avec nous qui te chérissons. à ton côté est ton ange gardien. La mer et les requins sont bien loin. En fait de mer, il n'y a ici que ce bassin d'eau tranquille. Et en fait de requins, que ces petits poissons rouges. Regarde comme ils courent et comme ils sont gentils.